Section 2, troisième partie, livre premier, suite. Benson, dans ses esquisses de la Corse, Sketches of Corsica, parle de la maison de campagne qu'habitait la famille de Bonaparte. En allant le long du rivage de la mer d'Ajaccio vers l'île Sanguinière, à environ un mille de la ville, on rencontre deux piliers de pierre, fragments d'une porte qui s'ouvrait sur le chemin. Elle conduisait à une villa en ruine, autrefois résidence du demi-frère utérin de Madame Bonaparte, que Napoléon créa cardinal Fesch. Les restes d'un petit pavillon sont visibles au-dessous d'un rocher. L'entrée en est quasi obstruée par un figuier touffu. C'était la retraite accoutumée de Bonaparte quand les vacances de l'école dans laquelle il étudiait lui permettaient de revenir chez lui. L'amour du pays natal suivit chez Napoléon sa marche ordinaire. Bonaparte, en 1788, écrivait, à propos de M. de Sucy, que la Corse offrait un printemps perpétuel. Il ne parla plus de son île quand il fut heureux. Il avait même de l'antipathie pour elle. Elle lui rappelait un berceau trop étroit. Mais, à Sainte-Hélène, sa patrie lui revint en mémoire. La Corse avait mille charmes pour Napoléon. Note. Mémorial de Sainte-Hélène. Fin de note. Il en détaillait les plus grands traits, la coupe hardie de sa structure physique. Tout y était meilleur, disait-il. Il n'y avait pas jusqu'à l'odeur du sol même. Elle lui eût suffi pour le deviner, les yeux fermés. Il ne l'avait retrouvé nulle part. Il s'y voyait dans ses premières années, à ses premières amours. Il s'y trouvait dans sa jeunesse, au milieu des précipices, franchissant les sommets élevés, les vallées profondes. Napoléon trouva le roman dans son berceau. Ce roman commence à Vanina, tuée par San Pietro, son mari. Le baron de Neuhof, ou le roi Théodore, avait paru sur tous les rivages, demandant des secours à l'Angleterre, au pape, au grand turc, au bey de Tunis, après s'être fait couronner roi des Corses, qui ne savait à qui se donner. Voltaire, Henri, les deux Paoli, Hyacinthe et surtout Pascal, avaient rempli l'Europe du bruit de leur nom. Boutafuoco pria Jean-Jacques Rousseau d'être le législateur de la Corse. Le philosophe de Genève songeait à s'établir dans la patrie de celui qui, en dérangeant les Alpes, emporta Genève sous son bras. « Il est encore en Europe, écrivait Rousseau, un pays capable de législation. C'est l'île de Corse. La valeur et la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériteraient bien que quelque homme sage lui apprît à la conserver. J'ai quelque pressentiment qu'un jour cette petite île étonnera l'Europe. » Note. Contrat social, livre 2, chapitre 10. Fin de note. Nourri au milieu de la Corse, Bonaparte fut élevé à cette école primaire des révolutions. Il ne nous apporta pas à son début le calme ou les passions du jeune âge, mais un esprit déjà empreint des passions politiques. Ceci change l'idée qu'on s'est formée de Napoléon. Quand un homme est devenu fameux, on lui compose des antécédents. Les enfants prédestinés, selon les biographes, sont fougueux, tapageurs, indomptables. Ils apprennent tout ou n'apprennent rien. Le plus souvent aussi, ce sont des enfants tristes, qui ne partagent point les jeux de leurs compagnons, qui rêvent à l'écart et sont déjà poursuivis du nom qui les menace. Voilà qu'un enthousiaste a déterré des billets extrêmement communs, sans doute italiens, de Napoléon à ses grands-parents. Il nous faut avaler ces puériles âneries. Les pronostics de notre futurition sont vains. Nous sommes ce que nous font les circonstances. Qu'un enfant soit gai ou triste, silencieux ou bruyant, qu'il montre ou ne montre pas des aptitudes au travail, nul augure à en tirer. Arrêtez un écolier à 16 ans. Tout intelligent que vous le fassiez, cet enfant prodige, fixé à 3 lustres, restera un imbécile. L'enfant manque même de la plus belle des grâces, le sourire. Il rit et ne sourit pas. Napoléon était donc un petit garçon ni plus ni moins distingué que ses émules. Je n'étais, dit-il, qu'un enfant obstiné et curieux. Il aimait les renoncules et il mangeait des cerises avec Mademoiselle Colombier. Quand il quitta la maison paternelle, il ne savait que l'italien. Son ignorance de la langue de Turenne était presque complète. Comme le maréchal de Saxe, allemand, Bonaparte, italien, ne mettait pas un mot d'orthographe. Henri IV, Louis XIV et le maréchal de Richelieu, moins excusables, n'étaient guère plus corrects. C'est visiblement pour cacher la négligence de son instruction que Napoléon a rendu son écriture indéchiffrable. Sorti de la Corse à 9 ans, il ne revit son île que 8 ans après. À l'école de Brienne, il n'avait rien d'extraordinaire, ni dans sa manière d'étudier, ni dans son extérieur. Ses camarades le plaisantaient sur son nom de Napoléon et sur son pays. Il disait à son camarade Bourrienne « Je ferai à tes Français tout le mal que je pourrai ». Dans un compte rendu au roi, en 1784, M. de Caralio affirme que le jeune Bonaparte serait un excellent marin. La phrase est suspecte, car ce compte rendu n'a été retrouvé que quand Napoléon inspectait la flottille de Boulogne. Sorti de Brienne le 14 octobre 1784, Bonaparte passa à l'école militaire de Paris. La liste civile payait sa pension. Il s'affligeait d'être boursier. Cette pension lui fut conservée, témoin ce modèle de reçu trouvé dans le carton fêche, carton de M. Libri. Je sous-signé reconnais avoir reçu de M. Biercourt la somme de 200 provenant de la pension que le roi m'a accordée sur les fonds de l'école militaire en qualité d'ancien cadet de l'école de Paris. Mademoiselle Permont-Comnen, Madame d'Abrantès, fixée tour à tour chez sa mère à Montpellier, à Toulouse et à Paris, ne perdait point de vue son compatriote Bonaparte. « Quand je passe aujourd'hui sur le quai de Conti, écrit-elle, je ne puis m'empêcher de regarder la mansarde à l'angle gauche de la maison au 3e étage. C'est là que logeait Napoléon toutes les fois qu'il venait chez mes parents. » Bonaparte n'était pas aimé à son nouveau prytané, morose et frondeur. Il déplaisait à ses maîtres. Il blâmait tout, sans ménagement. Il adressa un mémoire au sous-principal sur les vices de l'éducation que l'on y recevait. Ne vaudrait-il pas mieux les astreindre, les élèves, à se suffire à eux-mêmes, c'est-à-dire moins leur petite cuisine qu'ils ne feraient pas, leur faire manger du pain de munitions, ou d'un qui en approcherait, les habituer à battre, brosser leurs habits, à nettoyer leurs souliers et leurs bottes. C'est ce qu'il ordonna depuis à Fontainebleau et à Saint-Germain. Le rabroueur délivra l'école de sa présence et fut nommé lieutenant en seconde artillerie au régiment de la Fère. Entre 1784 et 1793 s'étend la carrière littéraire de Napoléon, courte par l'espace, longue par les travaux. Errant avec les corps d'artillerie dont il faisait partie, à Auxonne, à Dôle, à Sœur, à Lyon, Bonaparte était attiré à tout endroit de bruit comme oiseau appelé par le miroir ou accourant à la peau. Attentif aux questions académiques, il y répondait. Il s'adressait avec assurance aux personnes puissantes qu'il ne connaissait pas. Il se faisait l'égal de tous avant d'en devenir le maître. Tantôt il parlait sous un nom emprunté, tantôt il signait son nom qui ne trahissait point l'anonyme. Il écrivait à l'abbé Rénal, à M. Necker, il envoyait au ministre des mémoires sur l'organisation de la Corse, sur des projets de défense de Saint-Florent, de la Mortelia, du golfe d'Ajaccio, sur la manière de disposer le canon pour jeter des bombes. On ne l'écoutait pas plus qu'on avait écouté Mirabeau, lorsqu'il rédigeait à Berlin des projets relatifs à la Prusse et à la Hollande. Il étudiait la géographie. On a remarqué qu'en parlant de Sainte-Hélène, il la signale par ces seuls mots « petite île ». Il s'occupait de la Chine, des Indes, des Arabes. Il travaillait sur les historiens, les philosophes, les économistes. Hérodote, Strabon, Diodore de Sicile, Filangieri, Mably, Smith. Il réfutait le discours sur l'origine et les fondements de l'égalité de l'homme, et il écrivait « Je ne crois pas cela, je ne crois rien de cela ». Lucien Bonaparte raconte que lui, Lucien, avait fait 2 copies d'une histoire esquissée par Napoléon. Le manuscrit de cette esquisse s'est retrouvé en partie dans le carton du cardinal Fesch. Les recherches sont peu curieuses, le style est commun, l'épisode de Vanina est reproduit sans effet. Le mot de San Pietro au grand seigneur de la cour de Henri II après l'assassinat de Vanina vaut tout le récit de Napoléon. Qu'importe, ton roi de France, les démêlés de San Pietro et de sa femme. Bonaparte n'avait pas, au début de sa vie, le moindre pressentiment de son avenir. Ce n'était qu'à l'échelon atteint qu'il prenait l'idée de s'élever plus haut. Mais s'il n'aspirait pas à monter, il ne voulait pas descendre. On ne pouvait arracher son pied de l'endroit où il l'avait une fois posé. 3 cahiers de manuscrits, carton fêche, sont consacrés à des recherches sur la Sorbonne et les libertés gallicanes. Il y a des correspondances avec Paoli, Salicetti, et surtout avec le père Dupuy, minime, sous-principal à l'école de Brienne, homme de bon sens et de religion, qui donnait des conseils à son jeune élève et qui appelle Napoléon son « cher ami ». À ses ingrates études, Bonaparte mêlait des pages d'imagination. Il parle des femmes. Il écrit « Le masque prophète », « Le roman corse », « Une nouvelle anglaise », « Le conte des sexes ». Il a des dialogues sur l'amour qu'il traite avec mépris, et pourtant il adresse en brouillon une lettre de passion à une inconnue aimée. Il fait peu de cas de la gloire et ne met au premier rang que l'amour de la patrie, et cette patrie était la Corse. Tout le monde a pu voir à Genève une demande parvenue à un libraire. Le romanesque lieutenant s'enquérait de mémoire de Madame de Varence. Napoléon était poète aussi, comme le furent César et Frédéric. Il préférait Arioste au Tasse, il y trouvait les portraits de ses capitaines futurs et un cheval tout bridé pour son voyage aux astres. On attribue à Bonaparte le madrigal suivant adressé à Madame de Saint-Huberti, jouant le rôle de Didon. Le fond peut appartenir à l'empereur, la forme est d'une main plus savante que la sienne. Romains, qui vous vantez d'une illustre origine, voyez d'où dépendait votre empire naissant. Didon n'a pas assez d'attrait puissant pour retarder la fuite où son amant s'obstine. Mais si l'autre Didon, ornement de ces lieux, eût été reine de Carthage, il eût, pour la servir, abandonné ses dieux, et votre beau pays serait encore sauvage. Vers ce temps-là, Bonaparte semblerait avoir été tenté de se tuer. 1000 béjaunes sont obsédés de l'idée du suicide qu'ils pensent être la preuve de leur supériorité. Cette note manuscrite se trouve dans les papiers communiqués par M. Libri. Toujours seul au milieu des hommes, je rentre pour rêver avec moi-même et me livrer à toute la vivacité de ma mélancolie. De quel côté est-elle tournée aujourd'hui ? Du côté de la mort. Si j'avais passé 60 ans, je respecterais les préjugés de mes contemporains, et j'attendrais patiemment que la nature eût achevé son cours. Mais puisque je commence à éprouver des malheurs, que rien n'est plaisir pour moi, pourquoi supporterais-je des jours où rien ne me prospère ? Ce sont là les rêveries de tous les romans. Le fond et le tour de ces idées se trouvent dans Rousseau, dont Bonaparte aura altéré le texte par quelques phrases de sa façon. Voici un essai d'un autre genre, je le transcris lettre à lettre. L'éducation et le sang ne doivent pas rendre les princes trop dédaigneux à l'encontre. Qu'ils se souviennent de leur empressement à faire queue à la porte d'un homme qui les chassait à volonté de la chambrée des rois. Formules, certificats et autres choses essentielles relatives à mon état actuel. Manière de demander un congé. Lorsque l'on est en semestre et que l'on veut obtenir un congé d'été pour cause de maladie, l'on fait dresser par un médecin de la ville et un chirurgien un certificat comme quoi, avant l'époque que vous avez désignée, votre santé ne vous permet pas de rejoindre la garnison. Vous observerez que ce certificat soit sur papier timbré, qu'il soit visé par le juge et le commandant de la place. Vous dressez alors votre mémoire au ministre de la guerre de la manière et formule suivante. À Ajaccio, le 21 avril 1787. Mémoire en demande d'un congé. Corps royal de l'artillerie. Le sieur Napoléoné de Buonaparte, lieutenant en second au régiment de la fer artillerie. Régiment de la fer, supplie monseigneur le maréchal de Ségur de vouloir bien lui accorder un congé de 5 mois et demi à compter du 16 mai prochain, dont il a besoin pour le rétablissement de sa santé, suivant le certificat de médecin et chirurgien ci-joint. Vu mon peu de fortune et une cure coûteuse, je demande la grâce que le congé me soit accordé avec appointement. Buonaparte. L'on envoie le tout au colonel du régiment sur l'adresse du ministre ou du commissaire ordonnateur, M. de Lens. Soit qu'on lui écrive sur l'adresse de M. Sauquier, commissaire ordonnateur des guerres à la cour. Que de détails pour enseigner à faire un faux. On croit voir l'empereur travailler à régulariser les saisies des royaumes, les paperasses illicites dont son cabinet s'encombrait. Le style du jeune Napoléon est déclamatoire. Il n'y a de digne d'observation que l'activité d'un vigoureux pionnier qui déblaie des sables. La vue de ses travaux précoces me rappelle mes fatras juvéniles, mes essais historiques, mon manuscrit des Natchez de 4000 pages in folio, attachés avec des ficelles. Mais je ne faisais pas aux marges de petites maisons, des dessins d'enfants, des barbouillages d'écoliers, comme on en voit aux marges des brouillons de Bonaparte. Parmi mes juvéniles ne roulait pas une balle de pierre qui pouvait avoir été le modèle d'un boulet d'étude. Ainsi donc, il y a une avant-scène à la vie de l'empereur. Un Bonaparte inconnu précède l'immense Napoléon. La pensée de Bonaparte était dans le monde avant qu'il y fût de sa personne. Elle agitait secrètement la terre. On sentait en 1789, au moment où Bonaparte apparaissait, quelque chose de formidable, une inquiétude dont on ne pouvait se rendre compte. Quand le globe est menacé d'une catastrophe, on en est averti par des commotions latentes. On a peur. On écoute pendant la nuit. On reste les yeux attachés sur le ciel, sans savoir ce que l'on a et ce qui va arriver. Paoli avait été rappelé d'Angleterre sur une motion de Mirabeau dans l'année 1789. Il fut présenté à Louis XVI par le marquis de Lafayette, nommé lieutenant général et commandant militaire de la Corse. Bonaparte suivit-il l'exilé dont il avait été le protégé et avec lequel il était en correspondance? On l'a présumé. Il ne tarda pas à se brouiller avec Paoli. Les crimes de nos premiers troubles refroidirent le vieux général. Il livra la Corse à l'Angleterre afin d'échapper à la Convention. Bonaparte, à Ajaccio, était devenu membre d'un club de Jacobins, un club opposé Selva, et Napoléon fut obligé de s'enfuir. Madame Létizian et ses filles se réfugièrent dans la colonie grecque de Cargèse, d'où elles gagnèrent Marseille. Joseph épousa dans cette ville le 1er août 1794 Mademoiselle Clary, fille d'un riche négociant. En 1792, le ministre de la guerre, l'ignoré Lajard, destitua Napoléon pour n'avoir pas assisté à une revue. On retrouve Bonaparte à Paris avec Bourrienne dans cette année 1792. Privé de toute ressource, il s'était fait industriel. Il prétendait louer des maisons en construction dans la rue Montholon, avec le dessein de les sous-louer. Pendant ce temps-là, la Révolution allait son train. Le 20 juin sonna. Bonaparte, sortant avec Bourrienne de chez un restaurateur, rue Saint-Honoré, près le Palais-Royal, vit venir 5 à 6 000 déguenillés, qui poussaient des hurlements et marchaient contre les Tuileries. Il dit à Bourrienne « Suivons ces gueux-là ». Il alla s'établir sur la terrasse du bord de l'eau. Lorsque le roi, dont la demeure était envahie, parut à l'une des fenêtres, coiffé du bonnet rouge, Bonaparte s'écria avec indignation « Tchèque ! Comment a-t-on laissé entrer cette canaille ? Il fallait en balayer 400 ou 500 avec du canon, et le reste courait encore. » Le 20 juin 1792, j'étais bien près de Bonaparte. Vous savez que je me promenais à Montmorency, tandis que Barère et Marais cherchaient, comme moi, mais par d'autres raisons, la solitude. Est-ce à cette époque que Bonaparte était obligé de vendre et de négocier de petits assignats appelés corsets? Après le décès d'un marchand de vin de la rue Saint-Envoi, dans un inventaire fait par Dumais, notaire, et Chariot, commissaire-priseur, Bonaparte figure à l'appel d'une dette de loyer de 15 francs, qu'il ne put s'acquitter. Cette misère augmente sa grandeur. Napoléon a dit à Sainte-Hélène, « Au bruit de l'assaut aux Tuileries le 10 août, je courus au Carousel, chez Fauvelet, frère de Bourrienne, qui y tenait un magasin de meubles. » Le frère de Bourrienne avait fait une spéculation qu'il appelait « en camp national ». Bonaparte y avait déposé sa montre. Exemple dangereux, que de pauvres écoliers se croiront des Napoléons pour avoir mis leur montre en gage. Bonaparte retourna dans le midi de la France le 2 janvier, en deux. Il s'y trouvait avant le siège de Toulon. Il y écrivait 2 pamphlets. Le premier est une lettre à Matteo Buttafuoco. Il le traite indignement et fait en même temps un crime à Paoli d'avoir remis le pouvoir entre les mains du peuple. « Étrange erreur, s'écrie-t-il, qui soumet à un brutal, à un mercenaire, l'homme qui par son éducation, l'illustration de sa naissance, sa fortune, est seul fait pour gouverner. » Bien que révolutionnaire, Bonaparte se montrait partout ennemi du peuple. Il fut néanmoins complimenté sur sa brochure par Masseria, président du club patriotique d'Ajaccio. Le 29 juillet 1793, il fit imprimer un autre pamphlet, le souper de Beaucaire. Bourrienne en produit un manuscrit revu par Bonaparte, mais abrégé, et mis plus d'accord avec les opinions de l'empereur au moment qu'il revit son œuvre. C'est un dialogue entre un Marseillais, un Nîmois, un militaire et un fabricant de Montpellier. Il est question de l'affaire du moment, de l'attaque d'Avignon par l'armée de Carteau, dans laquelle Napoléon avait figuré en qualité d'officier d'artillerie. Il annonce aux Marseillais que son parti sera battu parce qu'il a cessé d'adhérer à la Révolution. Le Marseillais dit aux militaires, c'est-à-dire à Bonaparte, « On se ressouvient toujours de ce monstre qui était cependant un des principaux du club. Il fit lanterner un citoyen, pilla sa maison et viola sa femme, après lui avoir fait boire un verre du sang de son époux. « Quelle horreur !» s'écrie le militaire. « Mais ce fait est-il vrai ? Je m'en méfie, car vous savez que l'on ne croit plus au viol, aujourd'hui. » Légèreté du dernier siècle, qui fructifiait dans le tempérament glacé de Bonaparte. Cette accusation d'avoir bu et fait boire du sang a souvent été reproduite. Quand le duc de Montmorency fut décapité à Toulouse, les hommes d'armes burent de son sang pour se communiquer la vertu d'un grand cœur. Nous arrivons au siège de Toulon. Ici s'ouvre la carrière militaire de Bonaparte. Sur le rang que Napoléon occupait alors dans l'artillerie, le carton du cardinal Fesch renferme un étrange document. C'est un brevet de capitaine d'artillerie délivré le 30 août 1792 à Napoléon par Louis XVI, 20 jours après le détrônement réel arrivé le 10 août. Le roi avait été renfermé au Temple, le 13, surlendemain du massacre des Suisses. Dans ce brevet, il est dit que la nomination du 30 août comptera à l'officier promu à partir du 6 février précédent. Les infortunés sont souvent prophètes, mais cette fois, la prévision du martyr n'était pour rien dans la gloire future de Napoléon. Il existe encore dans les bureaux de la guerre des brevets en blanc, signés d'avance par Louis XVI. Il n'y reste à remplir que les vides d'attente. De ce genre aura été la commission précipitée. Louis XVI, renfermé au Temple à la veille de son procès, au milieu de sa famille captive, avait autre chose à faire que de s'occuper de l'avancement d'un inconnu. L'époque du brevet se fixe par le contre-saint. Ce contre-saint est Servan. Servan, nommé au département de la guerre le 8 mai 1792, fut révoqué le 13 juin, même année. Dumouriez eut le portefeuille jusqu'au 18. L'Ajard prit à son tour le ministère jusqu'au 23 juillet. D'Abancourt lui succéda jusqu'au 10 août, jour que l'Assemblée nationale rappela Servan, lequel donna sa démission le 3 octobre. Nos ministères étaient alors aussi difficiles à compter que le furent depuis nos victoires. Le brevet de Napoléon ne peut être du premier ministère de Servan, puisque la pièce porte la date du 30 août 1792. Il doit être de son second ministère. Cependant, il existe une lettre de l'Ajard du 12 juillet adressée au capitaine d'artillerie Bonaparte. Expliquez cela si vous pouvez. Bonaparte a-t-il acquis le document en question de la corruption d'un commis, du désordre des temps, de la fraternité révolutionnaire? Quel protecteur poussait les affaires de ce Corse? Ce protecteur était le maître éternel. La France, sous l'impulsion divine, délivra elle-même le brevet au premier capitaine de la terre. Ce brevet devint légal sans la signature de Louis, qui laissa sa tête, à condition qu'elle serait remplacée par celle de Napoléon. Marché de la Providence devant lesquels il ne reste qu'à lever les mains au ciel. Toulon avait reconnu Louis XVII et ouvert ses ports aux flottes anglaises. Carteau d'un côté et le général Lapoipe de l'autre, requis par les représentants Fréron, Barras, Ricord et Salicetti, s'approchèrent de Toulon. Napoléon, qui venait de servir sous Carteau à Avignon, appelé au conseil militaire, soutint qu'il fallait s'emparer du fort Mulgrave, bâti par les Anglais sur la hauteur du Caire et placé sur les deux promontoires L'Aiguillette et Balaguier des batteries qui, foudroyant la Grande et la Petite Rade, contraindraient la flotte ennemie à l'abandonner. Tout arriva comme Napoléon l'avait prédit, on eut une première vue sur ses destinées. Madame Bourrienne a inséré quelques notes dans les mémoires de son mari. J'en citerai un passage qui montre Bonaparte devant Toulon. « Je remarquais, dit-elle, à cette époque, 1795, à Paris, que son caractère était froid et souvent sombre. Son sourire était faux et souvent fort mal placé. Et à propos de cette observation, Je me rappelle qu'à cette même époque, peu de jours après notre retour, il eut un de ces moments d'hilarité farouche qui me fit mal et qui me disposa à peu l'aimer. Il nous raconta avec une gaieté charmante qu'étant devant Toulon, où il commandait l'artillerie, un officier qui se trouvait de son arme et sous ses ordres eut la visite de sa femme, à laquelle il était uni depuis peu, et qu'il aimait tendrement. Peu de jours après, Bonaparte eut ordre de faire une nouvelle attaque sur la ville, et l'officier fut commandé. Sa femme vint trouver le général Bonaparte et lui demanda, les larmes aux yeux, de dispenser son mari de service ce jour-là. Le général fut insensible à ce qu'il nous disait lui-même avec une gaieté charmante et féroce. Le moment de l'attaque arriva, et cet officier, qui avait toujours été d'une bravoure extraordinaire à ce que disait Bonaparte lui-même, eut le pressentiment de sa fin prochaine. Il devint pâle, il trembla, il fut placé à côté du général, et dans un moment où le feu de la ville devint très fort, Bonaparte lui dit « Gare, voilà une bombe qui nous arrive !» L'officier, ajouta-t-il, au lieu de s'effacer, se courba et fut séparé en deux. Bonaparte riait aux éclats en citant la partie qui lui fut enlevée. Toulon reprit, les échafauds se dressèrent. 800 victimes furent réunies au Champ de Mars. On les mitrailla. Les commissaires s'avancèrent en criant « Que ceux qui ne sont pas morts se relèvent, la République leur fit grâce !» Et les blessés qui se relevaient furent massacrés. Cette scène était si belle qu'elle s'est reproduite à Lyon, après le siège. Que dis-je? Au premier coup du foudroyant orage, quelque coupable encore, peut-être, est échappé. Annonce le pardon, et par l'espoir trompé, si quelque malheureux, en tremblant, se relève, que la foudre redouble et que le fer achève. L'abbé de Lille. Bonaparte commandait-il en personne l'exécution en sa qualité de chef d'artillerie? L'humanité ne l'aurait pas arrêté, bien que par goût, il ne fût pas cruel. On trouve ce billet au commissaire de la Convention. Citoyen représentant, c'est du champ de gloire, marchant dans le sang des traîtres, que je vous annonce avec joie que vos ordres sont exécutés et que la France est vengée. Ni l'âge ni le sexe n'ont été épargnés. Ceux qui n'avaient été que blessés par le canon républicain ont été dépêchés par le glaive de la liberté et par la baïonnette de l'égalité. Salut et admiration. Brutus, Buonaparte, citoyen sans culotte. Cette lettre a été insérée pour la première fois, je pense, dans La Semaine, gazette publiée par Malte Brun. La vicomtesse de Fort, pseudonyme, la donne dans ses mémoires sur la Révolution française. Elle ajoute que ce billet fut écrit sur la caisse d'un tambour. Fabry le reproduit, article Bonaparte, dans la biographie des hommes vivants. Royou, Histoire de France, déclare qu'on ne sait pas quelle bouche fit entendre le cri meurtrier. Fabry, déjà cité, dit dans les Missionnaires de 93 que les uns attribuent le cri à Fréron, les autres à Bonaparte. Les exécutions du Champ de Mars de Toulon sont racontées par Fréron dans une lettre à Moïse Bayle de la Convention et par Motedo et Barras au Comité de salut public. De qui, en définitive, est le premier bulletin des victoires napoléoniennes? Serait-il de Napoléon ou de son frère? Lucien, en détestant ses erreurs, avoue dans ses mémoires qu'il a été à son début ardent républicain. Placé à la tête du comité révolutionnaire à Saint-Maximin, en Provence, « Nous ne nous faisions pas faute, dit-il, de paroles et d'adresses aux Jacobins de Paris. Comme la mode était de prendre des noms antiques, mon ex-moine prit, je crois, celui d'Épaminondas, et moi celui de Brutus. Un pamphlet a attribué à Napoléon cet emprunt du nom de Brutus, mais il n'appartient qu'à moi. Napoléon pensait à élever son propre nom au-dessus de ceux de l'ancienne histoire, et s'il eût voulu figurer dans ses mascarades, je ne crois pas qu'il eût choisi celui de Brutus. » Il y a du courage dans cette confession. Bonaparte, dans le mémorial de Sainte-Hélène, garde un silence profond sur cette partie de sa vie. Ce silence, selon Madame la Duchesse d'Abrantès, s'explique par ce qu'il y avait de scabreux dans sa position. Bonaparte s'était mis plus en évidence, dit-elle, que Lucien. Et quoique depuis il ait beaucoup cherché à mettre Lucien à sa place, alors on ne pouvait s'y tromper. Le mémorial de Sainte-Hélène, aura-t-il pensé, sera lu par 100 millions d'individus, parmi lesquels peut-être en comptera-t-on à peine 1000 qui connaissent les faits qui me déplaisent. Ces 1000 personnes conserveront la mémoire de ces faits d'une manière peu inquiétante par la tradition orale. Le mémorial sera donc irréfutable. Ainsi de lamentables doutes restent sur le billet que Lucien ou Napoléon a signé. Comment Lucien, n'étant pas représentant de la Convention, se serait-il arrogé le droit de rendre compte du massacre ? Était-il député de la commune de Saint-Maximin pour assister au carnage ? Alors comment aurait-il assumé sur sa tête la responsabilité d'un procès-verbal, lorsqu'il y avait plus grand que lui au jeu de l'amphithéâtre et des témoins de l'exécution accomplie par son frère ? Il en coûterait d'abaisser les regards si bas après les avoir élevés si haut. Admettons que le narrateur des exploits de Napoléon soit Lucien, président du comité de Saint-Maximin. Il en résulterait toujours qu'un des premiers coups de canon de Bonaparte aurait été tiré sur des Français. Il est sûr du moins que Napoléon fut encore appelé à verser leur sang le 13 Vendémiaire. Il y rougit de nouveau ses mains à la mort du duc d'Enghien. La première fois, nos immolations auraient révélé Bonaparte. La seconde hécatombe le porta au rang qui le rendit maître de l'Italie, et la troisième lui facilita l'entrée à l'Empire. Il a pris croissance dans notre chair, il a brisé nos os et s'est nourri de la moelle des lions. C'est une chose déplorable, mais il faut le reconnaître si l'on ne veut ignorer les mystères de la nature humaine et le caractère des temps. Une partie de la puissance de Napoléon vient d'avoir trempé dans la terreur. La Révolution est à l'aise pour servir ceux qui ont passé à travers ses crimes. Une origine innocente est un obstacle. Robespierre, jeune, avait pris Bonaparte en affection et voulait l'appeler au commandement de Paris à la place de Henriot. La famille de Napoléon s'était établie au château de Salé, près d'Antibes. « J'y étais, venu de Saint-Maximin, dit Lucien, passé quelques jours avec ma famille et mon frère. Nous étions tous réunis, et le général nous donnait tous les instants dont il pouvait disposer. Il vint un jour plus préoccupé que de coutume, et se promenant entre Joseph et moi, il nous annonça qu'il ne dépendait que de lui de partir pour Paris, dès le lendemain, en position de nous y établir tous avantageusement. Pour ma part, cette annonce m'enchantait. Atteindre enfin la capitale me paraissait un bien que rien ne pouvait balancer. On m'offre, nous dit Napoléon, la place de Henriot. Je dois donner ma réponse ce soir. Eh bien, qu'en dites-vous ? Nous hésitâmes un moment. Eh, reprit le général, cela vaut bien la peine d'y penser. Il ne s'agirait pas de faire l'enthousiaste. Il n'est pas si facile de sauver sa tête à Paris qu'à Saint-Maximin. Robespierre, jeune, est honnête, mais son frère ne badine pas. Il faudrait le servir. Moi, soutenir cet homme ? Non, jamais. Je sais combien je lui serais utile en remplaçant son imbécile commandant de Paris, mais c'est ce que je ne veux pas être. Il n'est pas temps. Aujourd'hui, il n'y a de place honorable pour moi qu'à l'armée. Prenez patience. Je commanderai Paris plus tard. » Telles furent les paroles de Napoléon. Il nous exprima ensuite son indignation contre le régime de la terreur dont il nous annonça la chute prochaine, et finit par répéter plusieurs fois, moitié sombre et moitié souriant, « Qu'irai-je faire dans cette galère ?» Bonaparte, après le siège de Toulon, se trouva engagé dans les mouvements militaires de notre armée des Alpes. Il reçut l'ordre de se rendre à Gênes. Des instructions secrètes lui enjoignirent de reconnaître l'état de la forteresse de Savone, de recueillir des renseignements sur l'intention du gouvernement génois relatives à la coalition. Ces instructions, délivrées à Loano le 25 Messidor en 2 de la République, sont signées Ricord. Bonaparte remplit sa mission. Le 9 Thermidor arriva. Les députés terroristes furent remplacés par Albitte, Salicetti et Laporte. Tout à coup, ils déclarèrent, au nom du peuple français, que le général Bonaparte, commandant l'artillerie de l'armée d'Italie, avait totalement perdu leur confiance par la conduite la plus suspecte et surtout par le voyage qu'il avait dernièrement fait à Gênes. L'arrêté de Barcelonnette, 19 Thermidor en 2 de la République française, une indivisible et démocratique, 6 août 1794, porte que le général Bonaparte sera mis en état d'arrestation et traduit au comité de salut public à Paris, sous bonne et sûre escorte. Salicetti examina les papiers de Bonaparte. Il répondait à ceux qui s'intéressaient aux détenus qu'on était forcé d'agir avec rigueur d'après une accusation d'espionnage partie de Nice et de Corse. Cette accusation était la conséquence des instructions directes données par Ricord. Il fut aisé d'insinuer qu'au lieu de servir la France, Napoléon avait servi l'étranger. L'empereur fit un grand abus d'accusation d'espionnage, il aurait dû se rappeler les périls auxquels pareilles accusations l'avaient exposé. Napoléon, se débattant, disait aux représentants « Salicetti, tu me connais. Albit, tu ne me connais point. Mais tu connais cependant avec quelle adresse quelquefois la calomnie siffle. Entendez-moi, restituez-moi l'estime des patriotes. Une heure après, si les méchants veulent ma vie, je l'estime si peu, je l'ai si souvent méprisé. » Survint une sentence d'acquittement. Parmi les pièces qui, dans ces années, servirent d'attestation à la bonne conduite de Bonaparte, on remarque un certificat de Pozzo di Borgo. Bonaparte ne fut rendu que provisoirement à la liberté, mais dans cet intervalle, il eut le temps d'emprisonner le monde. Salicetti, l'accusateur, ne tarda pas à s'attacher à l'accusé. Mais Bonaparte ne se confia jamais à son ancien ennemi. Il écrivit plus tard au général Dumas qu'il reste à Naples, Salicetti. Il doit s'y trouver heureux. Il y a contenu les Lazzaroni, je le crois bien. Il leur a fait peur. Il est plus méchant qu'eux. Qu'il sache que je n'ai pas assez de puissance pour défendre du mépris et de l'indignation publique les misérables qui ont voté la mort de Louis XVI. Bonaparte, accouru à Paris, se logea rue du Mail, rue où je débarquai en arrivant de Bretagne avec Madame Rose. Bourrienne le rejoignit, de même que Murat, soupçonné de terrorisme et ayant abandonné sa garnison d'Abbeville. Le gouvernement essaya de transformer Napoléon en général de brigade d'infanterie et voulut l'envoyer dans la Vendée. Celui-ci déclina l'honneur sous prétexte qu'il ne voulait pas changer d'armes. Le comité de salut public effaça le refusant de la liste des officiers généraux employés. Un des signataires de la radiation est Cambacérès, qui devint le second personnage de l'Empire. Aigri par les persécutions, Napoléon songea à émigrer. Volney l'en empêcha. S'il eût exécuté sa résolution, la cour fugitive l'eût méconnue. Il n'y avait pas d'ailleurs de ce côté de couronne à prendre. J'aurais eu un énorme camarade, géant courbé à mes côtés dans l'exil. L'idée de l'émigration abandonnée, Bonaparte se retourna vers l'Orient, doublement congénial à sa nature par le despotisme et l'éclat. Il s'occupa d'un mémoire pour offrir son épée au grand seigneur. L'inaction et l'obscurité lui étaient mortelles. « Je serai utile à mon pays, s'écriait-il, si je puis rendre la force des Turcs plus redoutable à l'Europe. » Le gouvernement ne répondit point à cette note d'un fou, disait-on. Trompé dans ses divers projets, Bonaparte vit s'accroître sa détresse. Il était difficile à secourir. Il acceptait mal les services, de même qu'il souffrait d'avoir été élevé par la munificence royale. Il en voulait à quiconque était plus favorisé que lui de la fortune. Dans l'âme de l'homme pour qui les trésors des nations allaient s'épuiser, on surprenait des mouvements de haine que les communistes et les prolétaires manifestent à cette heure contre les riches. Quand on partage les souffrances du pauvre, on a le sentiment de l'inégalité sociale. On n'est pas plutôt monté en voiture que l'on méprise les gens à pied. Bonaparte avait surtout en horreur les muscadins et les incroyables, jeunes fats du moment, dont les cheveux étaient peignés à la mode des têtes coupées. Il aimait à décourager leur bonheur. Il eut des liaisons avec Baptiste aîné et fit la connaissance de Talma. La famille Bonaparte professait le goût du théâtre. L'oisiveté des garnisons conduisit souvent Napoléon dans les spectacles. Quels que soient les efforts de la démocratie pour rehausser ses mœurs par le grand but qu'elle se propose, ses habitudes abaissent ses mœurs. Elle a le vif ressentiment de cette étroitesse. Croyant la faire oublier, elle versa dans la révolution des torrents de sang. Inutile remède, car elle ne put tout tuer, et en fin de compte, elle se retrouva en face de l'insolence des cadavres. La nécessité de passer par les petites conditions donne quelque chose de commun à la vie. Une pensée rare est réduite à s'exprimer dans un langage vulgaire, le génie est emprisonné dans le patois, comme dans l'aristocratie usée, des sentiments abjects sont renfermés dans de nobles mots. Lorsqu'on veut relever certains côtés inférieurs de Napoléon par des exemples tirés de l'Antiquité, on ne rencontre que le fils d'Agrippine. Et pourtant les légions adorèrent l'époux d'Octavie, et l'Empire romain tressaillait à son souvenir. Bonaparte avait retrouvé à Paris Mademoiselle de Permont-Comnen, qui épousa Junot, avec lequel Napoléon s'était lié dans le Midi. À cette époque de sa vie, dit la duchesse d'Abrantès, Napoléon était laid. Depuis, il s'est fait en lui un changement total. Je ne parle pas de l'auréole prestigieuse de sa gloire. Je n'entends que le changement physique qui s'est opéré graduellement dans l'espace de cette année. Ainsi, tout ce qui en lui était osseux, jaune, maladif même, s'est arrondi, éclairci, embelli. Ses traits, qui étaient presque tous anguleux et pointus, ont pris de la rondeur, parce qu'ils se sont revêtus de chair dont il y avait presque absence. Son regard et son sourire demeurèrent toujours admirables. Sa personne tout entière subit aussi du changement. Sa coiffure, si singulière pour nous aujourd'hui dans les gravures du passage du pont d'Arcole, était alors toute simple, parce que ces mêmes muscadins, après lesquels il criait tant, en avaient encore de bien plus longues. Mais son teint était si jaune à cette époque, et puis il se soignait si peu, que ses cheveux mal peignés, mal poudrés, lui donnaient un aspect désagréable. Ses petites mains ont aussi subi la métamorphose. Alors elles étaient maigres, longues et noires. On sait à quel point il en était devenu vain, avec juste raison, depuis ce temps-là. Enfin, lorsque je me représente Napoléon entrant en 1795 dans la cour de l'hôtel de la Tranquillité, rue des Filles Saint-Thomas, la traversant d'un pas assez gauche et incertain, ayant un mauvais chapeau rond enfoncé sur ses yeux, et laissant échapper ses deux oreilles de chien mal poudrées, et tombant sur le collet de cette redingote gris de fer, devenue depuis bannière glorieuse, tout autant pour le moins que le panache blanc de Henri IV. Sans gants, parce que, disait-il, c'était une dépense inutile. Portant des bottes mal faites, mal cirées, et puis tout cet ensemble maladif résultant de sa maigreur, de son teint jaune. Enfin, quand j'évoque son souvenir de cette époque, et que je le revois plus tard, je ne puis voir le même homme dans ces deux portraits. Fin de la section 2.